La maison aux tulipes par Maurice Beaubourg. Ce sont deux amoureux hollandais. Lui, Cornelis Hoyrupt, le petit-fils d'Antonides Hoyrupt, l'amiral qui se couvrit de gloire à la prise de Pontianak en Bornéo vers 1774. Terrien renforcé malgré son origine marine, propriétaire d'une grande partie de ces fameux moulins de Dordrecht qu'on voit giroyer sous les ciels moites, par les étendues vertes et planes, au-dessus des chemins d'eau. Un grand garçon blond et gros, de 34 à 35 ans, lourd, rose et doux. Elle, Rosa van Elisaeus, la blonde, frêle et tiède Rosa van Elisaeus, l'unique héritière de ces célèbres peintres d'intérieur qui, de père en fils, pendant plusieurs générations, retrouvèrent l'art des Stuart Booth, des Jean Mostaer et des Lucas de Lède. Charmante en son antique coiffe de guipure à laine de clèves, encadrant les faces et pâles ovales de sa jolie figure de myosotis, secrète et mystérieuse aussi avec son sourire à la Joconde, ses cils en dentelle ultra fins, enclosant le susurrement dieu énigmatique et discret. Chaque soir, régulièrement, depuis 10 ans et demi environ, époque de la mort du vieil Elisaeus, Cornelis, une fois ses affaires de la journée terminées, vient rendre visite à Rosa, et dans un identique costume de velours gris, se dirige le long de l'avenue Mieris vers la modeste maison de briques où la jeune fille mène sa vie retirée entre ses oiseaux des îles, sa collection de fleurs vivaces et Anna, la bonne javanaise, qui l'éleva. Comme l'angélus de cette heure teinte au beffroi de Saint Gottfried, il toque au marteau de cuivre de la porte basse gardée par une chaînette de fer. Puis, les rideaux blancs d'une fenêtre du rez-de-chaussée se soulève un instant de même que sous un souffle invisible, et devant lui, la porte s'entr'ouvre. Il entre. Rosa van Elisaeus se tient dans le vestibule au carreau luisant. Il incline gravement le chef, s'enquiert de ses nouvelles. Toujours, elle lui répond qu'elle va bien, et tandis qu'elle le considère, une flamme brève, vite éteinte, passe au fond de son regard léger, et durant une seconde, une seule seconde, elle lui abandonne sa main. Ils se taisent alors, observent l'un vis-à-vis de l'autre une attitude embarrassée, inquiète, ne savent que dire, ont l'envie de s'excuser. Ils finissent cependant par refouler cette émotion neuve et quotidienne, se font fort contre eux-mêmes, montent l'escalier qui mène à la chambre de Rosa. C'est une chambre virginale tendue de perse pâle à bouquets. Un lit élevé, surmonté d'un Christ, occupe l'une des extrémités et quatre tableaux de chacun des quatre ancêtres, le maréchal Ferrand, les quilles, les francs-buveurs, la couchée, se détachent seuls sur les panneaux vides. Avant de s'asseoir dans le haut fauteuil cané, recouvert de cuir, Cornelis dépose timidement sur la crédence, car nous l'avons dit, sa fiancée à la passion des fleurs, la nouvelle tulipe qu'il acheta pour elle dans la journée. Sur plusieurs meubles s'alignait déjà une foule d'autres tulipes bariolées, et tout autour de la salle à manger et du salon, et tout le long de l'escalier, et par toute la maison, il en est ainsi. Il y a là la Semper Augusta, le vice-roi, la mer brun presque noire, le mariage de ma fille, Candide, l'œil du soleil, feu le duc de Tôle, rouge écarlate bordé de jaune. Il y a aussi des jacinthes, des lys, des safrans, des cyclamènes, et quelques-unes de ces clochettes mièvres que l'on cueille dans les polders. Puis de simples bulbes au haut de fines bouteilles de cristal où germent des pousses vertes. Par la fenêtre entrebâillée, c'est fin juin. Le jour tombe à peine. Les oiseaux des îles, cette autre passion de la jeune fille, gazouillent derrière leur cage et là-bas, au bout de la nuit Mieris, les moulins grincent, tournant à la brise qui les secoue. Lors, Cornelis allume son éternelle et longue pipe de porcelaine au paysage de montagnes suisses surmontées de glaciers avec chalets, car il semble très agréable dans les pays de plaines basses et humides de voir de hautes montagnes représentées, et il dit à Rosa, assise en face de lui, droite et sérieuse près du poêle, « Oh, Rosa, voici déjà plus de 10 ans que je viens ainsi chaque soir, et déjà vous me permettez de vous serrer la main. Nous sommes bien heureux depuis ces 10 ans, n'est-ce pas, Rosa? Et nous commençons vraiment à connaître le fond de nos âmes tranquilles. » Rosa répond d'une voix d'au-delà, « Oh, Cornelis, nous commençons vraiment, ainsi que vous le dites si judicieusement, à connaître le fond de nos âmes tranquilles, et si nos bons rapports continuent, nous nous marierons d'ici quelques années à peine, comme nous nous y sommes résolus depuis longtemps. Ce sera d'une douceur ineffable, Rosa, pendant ces quelques années qui nous restent encore à vivre en fiancés, de voir nos êtres se rapprocher de plus en plus dans leur communauté de volonté, d'idées, et si je ne craignais d'éveiller votre susceptibilité, d'enthousiasme qui les exalte. Ce sera d'un charme immatériel et délicieux, Cornelis, de sentir durant cette période nos cœurs battre à l'unisson d'une pulsation tellement régulière, identique, chronométrique, qu'ils n'en feront quasi qu'un. Tels les deux poids de cette vieille horloge ne lui donnent qu'un souffle et qu'un mouvement. Entre eux, un silence se produit. Pourtant, reprend Cornelis, si au lieu de plusieurs nous mettions une seule année, cette insolite précipitation vous choquerait, vous peinerait-elle ? Vous avez raison, reprend Rosa. En une seule année, nous avons peut-être le temps d'arriver à la parfaite sagesse, à la parfaite compréhension de l'avenir qu'il nous faut. Un nouveau silence naît. Si nous ne mettions que quelques mois, poursuit-il pensif, rougissant de ce qu'il ose avancer, ne trouvez-vous pas que ce serait bien ? Ne mettons que quelques mois, acquiesce-t-elle. Apportez cette jolie tulipe, cette tulipe indiciblement rose mouillée d'azur céleste, que vous me promettez, nous nous marierons. Oh, je vous l'apporterai. Et mon adoration trouvera, dut-elle l'inventer, la fleur miraculeuse, bleue à force d'être rose, que personne ne put découvrir encore. Mon désir me l'offrira votre désir, Rosa. Sur ces paroles, le jour tombe tout à fait. Une nuit humide et fraîche monte des canaux, et après être demeuré quelque temps, l'amoureux Cornelis, ivre d'espoir, se lève de son fauteuil et prend congé. Dès le lendemain et le surlendemain, au lieu d'inspecter ses moulins, il court à travers les rues de Dordrecht, à l'instar de ces fous tulipiers de jadis qui troquaient leur fortune contre un oignon. Il se dirige aussi vers les campagnes voisines, entre chez les jardiniers trafiquant des plantes que prise sa fiancée, et sans regarder à la dépense, achète tulipe sur tulipe, rapporte le discret asile de la numiéris des variétés plus belles et rares que toutes celles rapportées par lui jusqu'ici. Ah, si le vieil Évrard Forcius, le professeur de botanique du musée de Leyde, revenait de ce monde, il aurait fort à faire de faucher ces fleurs éclatantes et multicolores qui se pavanent dans leur gloire par toute la maison. À force de fureter de côté et d'autre, de courir les jardins, les serres, les boutiques, il en découvre qu'il se rapproche d'une façon presque parfaite de la nuance indiquée. Les gammes du rose qui pleure, du mauve qui danse, de la permanche fine, de la scabieuse, de la glycine, de l'améthyste se déroulent aux yeux ravis de Rosa, et aussi celles, indécises et précises, si ardemment convoitées des amateurs, où les derniers satins violets semblent mourir devant le bleu nouveau qui s'érige. Des espèces magnifiques, prodigieuses, inconnues, venant des quatre coins de la terre, toujours plus près de celles qu'ils désirent. Pas encore elles, cependant, remplissent les étagères, les tablettes, les guéridons. Les deux jeunes gens ne savent où les mettre, s'occupent à leur inventer des noms afin de passer le temps. Toute la poésie secrète, dont leur âme d'ordinaire si tranquille est désormais pleine, chante en des vocabulaires improvisés. Il y a la tulipe soir de Néerlande, la tulipe matinée fraîche de Zuiderzee, la frêle dont le regard brûle, la Wilhelmine à l'hermine, l'Abraham mignon, l'Amsterdam des veuves, la Rotterdam des cœurs lassés, etc. Il y en a qui ont des appellations au reflet gris-perle, d'autres éclats de forêt vierge incendiée. Celles-là résonnent comme du bronze, celles-ci sont fines comme l'argent. Il y en a d'ineffables, les plus belles de la Hollande, mais jamais celles qu'ils ont rêvées. Or, un soir, que Cornelius Oireux, un peu découragé de ses insuccès répétés, arrive à la maison de la Numiéris sans sa tulipe habituelle, Rosa van Eliseus, en une démarche de fièvre, s'avance vers lui. « Enfin, je suis contente, dit-elle, d'une voix étrangement fragile et chaude, que vous ne m'ayez rien apporté aujourd'hui, car c'est à moi, Cornelis, de vous offrir des fleurs pour toutes celles que vous m'offrites depuis 10 ans. Vous allez donc, jusqu'à nos noces, qui seront célébrées dans 3 semaines, je vous l'annonce, cueillir chaque soir cette tulipe, indiciblement rose, mouillée d'azur céleste, que vous ne voulûtes jamais voir, et qui fleurissait pourtant si près de vous, mon pauvre ami. » Regardez, la voilà, fait-elle. Et tandis que toute la folie de la petite nouille secoue le cœur tremblant du jeune homme, elle lui tend ses lèvres en calice. C'était La Maison aux Tulipes par Maurice Beaubourg.